Everybody Needs Somebody, The Waiting For, que l'on aime énormément, en tout cas, superbe remix. Et quand je dis le bonheur total, Waiting For, le Tim Royko sur le Tiger Records. Juste après le top, évidemment, vous nous appelez, vous avez l'occasion de partir gratos du côté des discothèques. On vous invite tout de suite à 03 20 23 57 deux fois. Allez, bonne chance. C'est le matin, tout va bien. Il y a au moins 1500 en activité dans le monde que nous connaissons, et au moins un que nous ne connaissons pas. Bienvenue à Galaxy. Sans, je vais vous secouer tout ça. Forever like a diamond of gold. And when I hear you calling, it's like heaven.

grounded. bonnes choses en perspective. Alors qu'il est 8h30, minute, on vous parle tout de suite de la fête de Yenayer avec l'association Convergence et qui vous invite à venir fêter donc le nouvel an berbère ce dimanche 13 janvier, évidemment à la salle Ouattromé de Roubaix. Soirée festive avec en invité Akli et Yayatine et le ballet berbère de Waterloo que je vous conseille fortement d'aller voir. Bonjour à toi Edir, renseignement 03 20 75 85 86 pour tout renseignement. Exposition de peinture scène en Flandre avec Thérèse Sénavedou, ce sera du 15 janvier au 24 février au musée des arts et traditions populaires de Waterloo, rue François Mériot. L'entrée est libre, renseignement 03 20 81 59 50 et évidemment toujours le gala de catch, c'est fabuleux, on vous conseille fortement d'appeler pour gagner votre entrée. On vous parle de plein de bonnes choses, notamment de l'exposition avec les déserts qui racontent la Terre, exposition donc jusqu'au 2 mars 2008 au Forum départemental des sciences de Villeneuve-d'Ascq. Un voyage aux confins des terres arides pour tout public, à voir à partir de 7 ans. 03 20 19 36 36 pour tout renseignement. Forum départemental des sciences.fr également sur le net. Dans l'immédiat, vous allez partir du côté du standard de Galaxy pour gagner l'entrée de votre choix. 03 20 83 57 deux fois. C'est parti. Galaxy. Galaxy. Don't stop music. Allez, vas-y, appelle la radio. Si ça marche pas, tu recommences, t'appuies sur bis et tu niques la touche.

bienvenue, vous écoutez Galaxy, on vous parle de plein de bonnes choses, notamment de vos discothèques. Ce sera pour le samedi soir du côté du Bliss par exemple, avec 6PO Flamme, plein de bonnes soirées, plein d'invités. Du côté de la Bûche, samedi, Xian Silversi, Frank J, du côté de l'âge de Zocris, Johan Simei, du côté du Pulse Factory, CP, Michael Forza, Victor, du côté du Zoo évidemment, ce sera Nick Waters. Il y aura également Serum, Arnaud, Ludo, et le dimanche, Sad et Thomas. Juste après le top, vous nous appelez, vous gagnez l'entrée de votre choix, c'est tout de suite. Out of time. Out of time. Maman, papa, venez voir ce que j'ai trouvé. Il est de Galaxy. Yo, yo, yo. Mais je suis choqué par ce que vous me dites. C'est pas génial. Eh oui, c'est comme ça que ça commence. Mais ensuite, il y a des cris et des... Sauf qu'il peut... Mais qu'est-ce que c'était? Il est de Galaxy. Courez. Aussi vite que vous pourrez. Envoyez-moi des secours, immédiatement. Maman est très en colère.

Le groupe Sultan avec Itajé Vibe sur le label Sick Wetona. On vous parle tout de suite alors qu'il est 9h30 minutes du concert Nord-Sud, évidemment, avec la première partie. Les copains en deux, ce sera évidemment ce dimanche à 16h au CSE. Réservation Office et Tourisme 03 20 75 85 86. Tarif fixé à 5 et 6 euros. On vous parle également du Salon de l'étudiant. Ce sera la 21e édition, les 17, 18 et 19 janvier à l'île Grand Palais, de 9h à 18h sans interruption. On vous conseille fortement, chers amis, IE et I, d'aller faire un tour à ce salon, évidemment construit sur le thème de bien choisir ses études, comme d'hab quoi. N'oubliez pas également le concert de la boîte musique, enfin l'un des concerts de Metal Attack, donc Scandinavia, le samedi 19 janvier à 15h, renseignement 06 67 13 67 30. Dans les médias, vous pouvez nous appeler pour gagner l'entrée de votre choix, c'est tout de suite. Galaxy, Galaxy. Don't stop music. Ce serait inadmissible de rater ça. Alpazo la techno. Galaxy, c'est cool. Galaxy, c'est Raoul. Thank you.